Monsieur Charles Darwin par Arthur Mangin. C'est, je crois, Beaumarchais qui a dit « On est toujours le fils de quelqu'un, ou la fille, cela s'entend. » Toutefois, s'il fallait s'en rapporter aux traditions de tous les peuples du monde, il y aurait eu, au commencement, un homme et une femme qui n'étaient le fils et la fille de personne, puisqu'ils étaient les premiers, et ce serait seulement à partir de ce premier couple que l'axiome énoncé par Beaumarchais serait devenu une vérité. De même aussi, toujours d'après la tradition commune, il y aurait eu pour chaque espèce un premier couple, ou tout au moins un premier individu, car parmi les espèces inférieures, il en est beaucoup qui n'ont pas besoin du concours de deux sexes pour se perpétuer, duquel seraient issus tous les autres. Pendant bien des siècles, les naturalistes se sont accommodés de cette doctrine, mais un beau jour, quelques-uns, plus audacieux que leurs confrères, se sont posés la question suivante. Fort bien, l'humanité tout entière descend d'un premier homme et d'une première femme, et pareillement toutes les espèces de quadrupèdes, de reptiles, d'oiseaux, de poissons, d'insectes, de vers, de mollusques, que nous voyons répandus à la surface du globe, descendent de premiers parents semblables à eux. Mais ces premiers, de toutes sortes, d'où venaient-ils eux-mêmes? De qui ou de quoi procédaient-ils? Pourquoi et comment sont-ils venus au monde? Il y avait bien cette réponse que j'entendis faire un jour dans la rue par une bonne femme à son enfant qui lui demandait « Maman, pourquoi est-ce qu'il pleut ?»« Parce que le bon Dieu le veut, » dit-elle. L'enfant se contenta de cette raison. Mais la science est parfois plus exigeante et plus curieuse. Ce n'est pas que, même de nos jours, où l'on s'avise de tant de choses auxquelles on ne songeait point autrefois, il y ait des savants qui s'accommodent de la tradition et qui, jetant les hauts cris lorsqu'on leur parle, par exemple, de la génération spontanée actuelle des monades, des bactéries ou des vibrions, trouvent tout simple d'admettre la génération spontanée ancienne de l'homme, de la baleine, de la girafe et de l'éléphant. Tous, cependant, ne raisonnent pas de la sorte. Il en est qui, songeant que les espèces animales et végétales actuellement existantes ont été précédées par d'autres qui, elles-mêmes, ont eu des devancières, et ainsi de suite, jusqu'à l'origine de notre globe, où la paléontologie nous montre, comme premiers habitants, des êtres d'une structure et d'une organisation tout élémentaire, et que de plus, en considérant avec attention ces innombrables êtres passés et présents, on reconnaît entre tous une série de gradations continues. Il en est, dis-je, qui se sont demandé si cette succession dans le temps et cette connexité dans les formes n'étaient pas l'indice, j'allais dire la preuve, d'une filiation interrompue des êtres anciens aux êtres nouveaux. Si, en d'autres termes, les espèces, au lieu d'être créées séparément et de toutes pièces, ne s'était pas produite par la transformation progressive des types primitifs en d'autres types, sous l'influence des milieux, du régime, des habitudes. Et cette hypothèse, leur ayant paru satisfaisante en principe, ils se sont mis au devoir de la vérifier par l'observation et de l'expliquer par l'induction. M. Charles Darwin est parmi les naturalistes contemporains celui qui a le plus audacieusement sondé ce mystère des origines et qui, par l'importance de ses recherches et l'autorité de son savoir, est devenu en quelque sorte le chef de la nouvelle école. Bien que d'autres tels que Robinet, Lamarck, Boris Saint-Vincent l'aient précédé dans cette voie, et que d'autres aussi marchent avec lui de nos jours, il a eu le redoutable honneur de donner son nom à la doctrine d'après laquelle les animaux supérieurs, l'homme compris, seraient les descendants perfectionnés et ultérieurement perfectibles d'animaux inférieurs, lesquels proviendraient eux-mêmes d'ancêtres moins parfaits encore. Cette doctrine, en effet, est généralement connue aujourd'hui sous le nom de darwinisme, bien qu'on la désigne aussi sous celui de transformisme. Elle repose essentiellement sur l'hypothèse de la variabilité des espèces par la sélection naturelle, la concurrence vitale, struggle for life, et la transmission héréditaire des caractères essentiels de chaque espèce. M. Darwin l'a exposé d'abord d'une manière générale dans son livre célèbre « De l'origine des espèces », Londres, 1869, dont la traduction française, par Madame Royer, a eu deux éditions. Puis, encouragé par le succès de cet ouvrage, il n'a pas craint d'en appliquer directement les principes à la généalogie de l'homme, et il a publié sur ce sujet épineux un second ouvrage sous ce titre « The Descent of Man and Selection in Relation to Sex », l'origine de l'homme et la sélection dans ses rapports avec les sexes, deux volumes, Londres, 1871. C'est dans ce dernier écrit que l'on trouve énoncées les propositions suivantes qui ont soulevé des tempêtes. L'homme descend d'un quadrupède velu, ayant une queue et des oreilles pointues, vraisemblablement arboricole en ses habitudes et habitant l'ancien continent. Cette créature, si un naturaliste avait pu en examiner la structure, eût été classée parmi les quadrumanes, aussi sûrement que l'aurait été l'ancêtre commun, et encore plus ancien, des singes du Vieux et du Nouveau Monde. Les quadrumanes et tous les mammifères supérieurs dérivent probablement d'un marsupial ancien, et celui-ci, par une longue filière de formes variées, soit d'une espèce de reptile, soit d'un animal amphibie, lequel à son tour a pour souche un poisson. Dans les brumes du passé, nous pouvons voir distinctement que l'ancêtre de tous les vertébrés a dû être un animal aquatique à branchies, réunissant les deux sexes dans un même individu, et chez lequel les organes principaux, tels que le cerveau et le cœur, n'étaient développés que d'une manière imparfaite. Celui qui a osé jeter à la tradition, aux croyances et à l'orgueil des hommes civilisés du XIXe siècle cet audacieux défi, de leur déclarer net qu'ils ne sont que des quadrumanes modifiés, est un respectable gentleman vivant paisiblement au milieu de sa famille, livré tout entier à l'étude de la nature, dans sa résidence rurale de Down, près de Farnborough, dans le comté de Kent. Charles Robert Darwin est né à Shrewsbury le 12 février 1809. Son grand-père Erasmus Darwin était un naturaliste distingué, auteur du Jardin botanique et de la zoonomie, et membre de la Société royale de Londres. Son père, le docteur Robert Waring Darwin, fut membre aussi de cette illustre compagnie où Charles Darwin devait bientôt prendre place à son tour. En outre, ce dernier est petit-fils par sa mère du célèbre potier Joseph Wedgwood. Il appartient donc à une famille où l'illustration scientifique est comme un patrimoine héréditaire. Son éducation fut commencée à l'école de Shrewsbury sous la direction du docteur Butler, plus tard évêque de Lichfield. Puis, après avoir passé 2 années à l'université d'Édimbourg, il entra en 1828 au Christ College de Cambridge, où il reçut son diplôme de bachelier en 1831. Dès cette époque, il manifestait un goût décidé et une aptitude remarquable pour l'étude des sciences et principalement de l'histoire naturelle. Aussi, dans l'automne de 1831, le capitaine Fitzroy, commandant le vaisseau le Beagle qui appareillait pour un voyage de circumnavigation, ayant offert de partager sa propre cabine avec le naturaliste qui voudrait accompagner l'expédition, le jeune Darwin s'empressa de lui offrir gratuitement ses services, qui furent aussitôt acceptés. M. Darwin demandait pour unique salaire le droit de disposer librement de ses collections. Le Beagle mit à la voile le 27 décembre 1831. Il revint le 27 octobre 1837, ayant visité presque tout le littoral de l'Amérique méridionale, les îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Maurice, etc. La Société royale de Londres n'avait pas attendu le retour de M. Charles Darwin pour se l'associer, ce qu'elle fit en 1834. La relation scientifique de ce voyage par Charles Darwin parut d'abord en 1839 comme partie du travail général de Fitzroy. Une seconde édition fut ensuite publiée à part sous le titre de « Journal des recherches zoologiques et géologiques faites dans les pays visités par le Beagle durant son voyage autour du monde ». Ce livre obtint un immense succès. On y remarque notamment d'intéressantes considérations sur l'origine des récifs de corail du Pacifique. M. Darwin publia ensuite successivement, avec l'aide d'une subvention de 1000 livres sterling accordée par les lords de la trésorerie, la zoologie du voyage du Beagle, puis un écrit sur la structure et la distribution des récifs de corail, en 1842, des observations géologiques sur les îles volcaniques, en 1845, et sur l'Amérique méridionale, en 1846, une étude sur les cirripèdes sessiles et pédonculés, en 1853. On a de lui, en outre, divers mémoires réunis en 2 volumes et publiés en 1851 et en 1854. Enfin, il a fait paraître plus récemment, en outre des 2 œuvres capitales, L'origine des espèces et l'origine de l'homme, dont nous avons déjà parlé, de remarquables travaux sur diverses questions d'histoire et de philosophie naturelle, et dont la plupart ont été insérés dans les transactions de la Société géologique et dans le journal de la Société linnéenne. Je ne parle pas des distinctions et des récompenses que M. Darwin a reçues soit de la Société royale, soit de la Société de géologie, et qui consacre, sans y rien ajouter, la réputation d'un des plus illustres savants de la Grande-Bretagne et, l'on peut dire, de l'Europe contemporaine. Ainsi s'achève cette courte biographie de M. Charles Darwin par Arthur Mangin.